les elfes des marais, les nains des forêts, les renards aux aguets chantent sans arrêt. La complainte des rêves perdus, vestige d'une ère disparue. Les enfants de plus belle chantent la ritournelle, contini réel ou prière rituelle. Entre dans la saltarelle, que dansent les belles. Oh, oh, oh, château dans la brume, compte les demi-lunes à l'horloge de sable. Les chevaliers à table, leurs quêtes inlassables, telles dans les anciennes fables d'amour véritable et de fin misérable. Compte les pas, compte les foulées dans l'immense forêt. Marche, marche, branche, de lundi en dimanche. Marche, marche, branche, de lundi en dimanche. Plus de sève et plus de fables, plus de trêve et plus de table. Ne reste que l'oubli qui nous ensevelit petit à petit et nous laisse abandonnés à nous-mêmes. L'ancien empire a disparu, ne laissant derrière lui que ruines, forêts et oubli. Nous sommes deux marchebranches, totalement amnésiques, et nous voilà au seuil d'un nouvel endroit. Soupir, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ? J'ai l'apparence d'un goupil. Je suis petite, je marche sur mes deux pattes arrière, mais une de ces deux pattes est ce qu'on appelle folle, une patte qui ne répond pas à la raison. Je marche en boitillon à l'aide d'un petit artefact que j'ai fabriqué de mes pattes, un artefact en bois. J'ai une affinité pour le bois, je sculpte et très volontiers, j'imagine très facilement des constructions, des petites machines avec des roues crantées. À mes heures perdues, je sculpte, j'aime construire des petites boîtes. J'ai une affinité pour les petites boîtes dans lesquelles, lors de mes voyages, je peux également me réfugier. Et puis je les laisse aux gens qui nous logent. Je suis portée vers les autres, mais c'est difficile pour nous, marche-branche, on ne peut pas véritablement se lier, alors on se lie les unes avec les autres. Ça reste pour moi toujours un peu difficile de partir. J'aimerais pouvoir appartenir à une communauté, mais ce n'est pas ce que le destin a mis devant moi. L'autre de mes talents, à part la menuiserie, est le chant et les histoires. J'aime raconter des histoires que j'entends, au moins les répéter en chantant. J'aime l'instant où les autres attendent que je prenne la parole et qu'une musique se bobine comme ça. Et c'est à peu près tout. Le reste, nous le découvrirons ensemble, je suppose. Et toi, qui es-tu, Feuille ? Moi, je suis une enfant, mais pas n'importe quel enfant, puisque je suis une Orla. C'est-à-dire que je ne suis pas humaine, ou plutôt plus humaine, puisqu'en fait, mon corps est fait de feuilles, de toutes les nuances, hein, de toutes les nuances de l'automne et de l'été. Donc feuilles vertes et craquantes du printemps, feuilles mordorées hein, de l'automne. Et donc ça me donne une silhouette humanoïde. J'ai des yeux pétillants de curiosité, je dégage une sorte d'aura de sagesse. Mais voilà, on ne sait pas si mon corps est creux ou rempli de quelque chose. on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette espèce de carapace de feuilles qui me constitue. En tout cas, ma présence est assez légère et magique. Je communique avec une voix captivante et je suis profondément empathique. Hein. Donc ma nature non humaine ne fait pas de moi quelqu'un dépourvu d'émotions. Bien au contraire, je ressens très fort les émotions des autres. J'aime l'aventure, je suis très forte pour me faire des amis, même si au final quand même j'ai quand même une vocation de solitude. Peut-être qu'au final ma nature quand même finit par m'éloigner des autres et tout, donc j'ai quand même souvent besoin de solitude, même si je suis assez liante. Et Soupir, tu es la seule personne en fait avec qui je lis de façon un peu soutenue quoi. Et donc a priori j'étais humaine avant et je pense qu'un magicien m'a transformé en fait, a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais à cause de l'oubli, j'ai pas beaucoup plus d'informations quoi. Donc ça fait partie d'une quête d'origine que j'aurai peut-être un jour, voilà, de savoir, de retrouver la personne qui m'a transformé, d'en savoir plus sur qui j'étais avant quand j'étais humaine et voir c'est quoi le mieux en fait, rester hors là ou redevenir. Oui, je précise que je suis légèrement plus âgée que... Je suis plutôt une adolescente. Donc, il y a ce rapport où je prends soin de toi et tu prends soin de moi. On est toutes les deux assez empathiques. On passe aussi beaucoup de moments à ne pas forcément se parler. Parce que maintenant, on est un peu rodés. C'est ça. Mais ça va, on n'est pas encore dans la relation, tu sais. Ah, oh, je sais qu'elle sait, j'ai pas besoin de lui dire. Non, le truc un peu... non tu restes un tas de feuilles, quoi, quand même. Et moi, une sorte de renard. Bon, on se dit des choses, hein, s'il y a un problème, on n'est pas non plus dans le non-dit, quoi. Mais souvent, effectivement, on peut, avec le non-verbal, on s'en sort quand même très bien. Et donc, on est un petit peu en errance, à la recherche de nos souvenirs. On sait, en fait, assez instinctivement que des gens vont nous donner des quêtes et nous payer, a priori, en tarot de l'oubli, ce qui nous permet de progresser un peu dans notre connaissance intime. Et donc, dans ce cadre-là, on va et vient à travers la forêt, et donc là on arrive dans un nouvel endroit, une île bibliothèque. Est-ce que tu veux en parler un peu ? Nous arrivons à la toute fin d'un chemin creux. C'était des charmes en fait. Les petites feuilles plissées se refermaient au-dessus de nos têtes, tout juste assez hautes pour moi. Donc un tout petit chemin creux qui ne semblait mener nulle part, mais qui néanmoins, par le respect que les branches prenaient à ménager du vide, on pouvait soupçonner l'existence de quelque chose derrière, car c'est ainsi que vont les sentes. Et nous débouchons dans une lumière aveuglante. Devant nous s'élève, ou plutôt s'imbrique, une série de trous habités. C'est pas édécoré. À flanc de falaise, il y a des hirondelles hein, qui nous accueillent de leurs cris perçants. On entendait déjà avant de sortir du sentier d'ailleurs, et qui joue à flanc de falaise à la manière des hirondelles et qui plonge et qui remonte. Et c'est une drôle de construction un peu hybride où on voit à la fois les nids, ces nids qui ressemblent à des petits paniers tombants ou également peut-être qui rappellent également les constructions des abeilles, des alouettes, et puis ces trous évidés. Et plus nous approchons, plus nous constatons que les petits parapets, les petits balcons, les trottoirs, toutes les constructions qui nous semblaient être de la maçonnerie et des pierres de différentes couleurs, plus nous approchons, plus nous constatons que cette maçonnerie, ces pierres, sont en réalité des énormes volumes de livres, des grimoires imposants, des sommes reliées de manière différente. Et tout cela forme une sorte de donne un air bigarré à cette petite ville troglodyte où ces séries de petites habitations, de petites excavations. Et donc le soleil est assez haut, il fait doux, il y a une petite brise, et donc ces hirondelles qui virevoltent. En revanche, faisant en contrepoint, on va dire, avec cette agitation volatile, nous constatons que les personnes qu'on pensait en fait au début presque que la ville était abandonnée, c'est assez fréquent en fait. Découverte un certain nombre lors de nos errances. On a d'abord pensé qu'elle était abandonnée, et puis non, il y a par-ci par-là des personnes qui errent, qui marchent mollement, les yeux vagues. Est-ce que tu prendrais le relais pour nous parler de ces personnages, de ces habitants, ou de cette ville, parce que je n'ai peut-être pas tout décrit. Ouais, bah déjà en sondant les habitants, je me rends compte qu'ils n'ont pas d'émotion, tu vois, ça me fait un peu drôle, quoi. Donc, je suis un peu désarçonné, je leur pose quelques questions. Et en fait, ils me répondent qu'aujourd'hui, c'est une fête un peu spéciale. Ça s'appelle ça la fête de l'extinction, quoi. Et donc, ils consomment tous et toutes du soma, donc qui est une fleur, quoi, qui anesthésie leurs émotions, quoi. Ils vont et viennent dans la ville. Ils vaquent à quelques occupations, tu vois, rangeant quelques livres et tout, de façon très calme. Mais surtout, ils sont adossés aux fontaines, aux colonnes, et ils contemplent un peu le... Bah voilà, en rien faisant. C'est un peu particulier, parce que c'est pas non plus la sérénité méditative, tu vois, c'est juste... Ils sont en pause, quoi. Ils se mettent totalement en pause. Et puis moi, je leur dis... Ah mais les gens, moi j'ai mon j'ai mon bidon qui grogne. Qu'est-ce qu'on mange? Alors je suis sans gêne, hein, parce qu'en fait les marche-branches ont droit au gîte et au couvert gratos et tout. Et moi j'ai pris l'habitude de le réclamer vraiment sans gêne. Parce que je rappelle que je suis nain. Et ça réagit pas trop en fait. Ou plutôt s'ils me disent tiens prends du soma. Oui c'est étonnant, c'est pas de l'hostilité à notre égard, mais d'ordinaire c'est vrai que c'est plus cérémonieux quand on nous voit arriver dans une communauté. Et là, c'est pas forcément hostile parce qu'effectivement, on se presse autour de nous comme d'habitude, si ce n'est qu'on essaie de nous rendre confortables, on nous met des coussins, mais dans les écuelles en bois, d'ordinaire remplies de légumes frais, de fruits divers, y compris de fruits confits. Bon, là, c'est. Oui, il y a cette plante oui, qui nous regarde de ses pistils hébétés. Bon, bah tant pis, moi j'ai faim, j'en mange. Bien, pourquoi pas? Je ne peux pas te laisser faire quelque chose seul, donc je t'accompagne. Ok. Du coup, est-ce que tu te sens capable de décrire l'effet que ça te fait de plus avoir d'émotion là, pendant une heure, quoi? Ce qui est étonnant, c'est ce qui m'étonne le plus. C'est que j'étais assez convaincue que ce qui me définissait le plus comme émotion, c'était la joie. Enfin, j'avais l'impression, puisque c'est ce qu'on attend d'une petite renarde, je suppose. Et en fait, ce qui me frappe, c'est que l'émotion dont je suis dépourvue, soudain, ou raclée, on va dire, c'est la tristesse. Et ce qui m'étonne, c'est de plus ressentir de mélancolie ou de tristesse. Et donc, c'est une expérience qui n'est pas désagréable. Enfin, c'est pas pour autant que je ressens de la joie. Mais je crois que j'ai avancé dans ma connaissance de moi-même en me disant oui, en fait, en réalité, je suis plus sereine parce que l'émotion qui me remplissait le plus, à ma grande surprise, c'était la mélancolie. Et le sentiment d'urgence de vouloir faire des choses, un manque d'appétence aussi, mais c'est pas euphorisant du tout, mais c'est pas désagréable. Et je crois que, voilà. Et toi ? Quant à moi, je pense d'un regard extérieur, ce qui est sans doute le plus un peu effrayant, c'est de voir ma joie naturelle disparaître. Quoi. D'un coup, j'arrête de pipeletter, de courir dans tous les sens et tout, et je me pose sur une margelle et je fais rien, quoi. J'ai plus d'expression faciale. Parce que malgré le fait que je sois fait de feuilles mortes, j'ai un visage très expressif, quoi. Là, c'est plus le cas du tout. Et en fait, intérieurement, surtout ce qui m'étonne, c'est de voir disparaître finalement un sentiment dont j'avais peut-être pas conscientisé la présence lancinante. C'est une anémoïa, c'est-à-dire la nostalgie d'un passé que j'ai pas connu. La nostalgie de l'époque où j'étais une petite fille humaine, tu vois. Et du coup, c'est un passé complètement fantasmé, puisque je me rappelle pas, quoi. J'ai juste le pressentiment d'avoir été humaine, sans même en avoir la certitude. Et en fait, tu vois, c'est un peu comme quand t'as des acouphènes et que c'est que quand l'acouphène s'arrête que tu réalises que tu avais des acouphènes, quoi. C'est au moment où cette nostalgie disparaît, finalement, c'est là où je me rends compte que j'avais ça, et que j'avais très fort cette nostalgie de mon passé fantasmé, quoi. Je me pose plein de questions. Où est-ce que je vivais? Qui étaient mes parents? Qui étaient mes copains? Et voilà, ça me fait, quand je vais reprendre mes esprits, ça va me faire assez drôle. Je parle sous ton contrôle, mais je pense pas que les donneurs de quêtes, bon, d'habitude, les donneurs de quêtes, si tu veux, ils viennent assez rapidement se présenter aux marchebranches, expliquer un petit peu ce qui les préoccupe. Mais je pense que là, en fait, ils vont, comme ils sont tout le monde est sous Soma, ils vont seulement arriver dans une heure, enfin, se présenter à nous dans une heure, une fois qu'ils sont décuités du Soma, quoi, parce que je pense que s'ils ont pas d'émotion, en fait, ça n'a plus tellement d'importance pour eux de proposer des quêtes, quoi. Donc c'est seulement quand on sort de notre consommation de Soma, là, une heure plus tard, que les donneurs de quêtes vont se faire connaître de si ça te va. C'est cohérent. Eh bien, peut-être que tu veux... Tu peux du coup nous parler de la première donneuse de quête. Nous nous ébrouons un petit peu de l'effet de la plante. Et c'est assez, c'est aussi soudain qu'au début en fait. La fin de l'effet est une sorte de clapet comme ça qui arrive. Moi, je suis plutôt soulagée de retrouver mon intégrité. Du coup, il y a un truc très très bizarre de joie, de la tristesse, enfin du joie du retour de la possibilité de pleurer. Je m'apprêtais justement à me laisser aller à pleurer par pur plaisir. Lorsque quelque chose d'étrange se produit devant nos yeux, on voit arriver quelque chose de comme si un monceau de choses petits débris, comme une vague très très lente se met à rouler vers nous, comme quelqu'un qui déroule un tapis et ça devient de plus en plus épais, comme une sorte de rouleau. Et si ce n'est que c'est des petits débris, des petites choses, des feuilles chiffonnées, des feuilles de choux, des petites brindilles, du reste de nourriture également. Et cette chose avance vers nous en prenant de plus en plus d'ampleur et en enflant. Et ça nous prend un moment avant pendant un moment, je pense même que c'est une sorte de orla comme toi, Faye, quelque chose qui prendrait corps et forme. Et là, à notre grande surprise, cet amas de choses se métamorphose et commence effectivement à prendre une allure, ou en tout cas une tête humaine. Et je me dis, bah oui, voilà, c'est une sorte de horla. Et une voix très, très aiguë et très petite émane de ce tas. Et ça fait quelque chose comme coucou. Et puis comme un écho, une toute petite voix aiguë aussi qui dit « C'est moi qui voulais dire coucou. » Comment réagis-tu ? Du coup, je regarde ce qu'il y a derrière la tête humaine, là, c'est ça ? Et donc, je vois quoi ? Tu vois deux, En fait, en te penchant, effectivement, toi, tu as tout de suite l'impression que c'est pas quelque chose comme toi. C'est pas, ça ne sent pas le hors-là. Et en fait, de chaque côté des oreilles, forgées par les détritus, tu vois deux insectes, deux cafards. Et donc, te présente la vieille cornubique et le jeune creux de chouette. Et cornubique, c'est cornubique qui s'adresse à toi et se présente. Je m'appelle... Oh, c'est bien, je ne vais pas faire cette voix à l'hélium tout le temps, donc on va imaginer dans notre tête que c'est cette voix à l'hélium. Je m'appelle cornubique. Et voici mon arrière-petit-petit-petit-petit-petit-arrière-arrière-petit-neveu, creux de chouette. Ah ouais, quand même. Ouais, creux de... Ah ben, les générations de cafards. Et je me réjouis de votre venue, chère et précieuse marche-branche, car nous faisons face aujourd'hui, ici, à un défi d'ampleur cosmique, puisque... vous n'êtes pas sans savoir que notre ancien empire reposait sur une utilisation plus ou moins raisonnée d'artefacts que nous avons décidé, nous, les bibliothécaires, de nommer reliques. Peut-être avez-vous déjà visité des endroits ou des personnes sages qui, comme moi, s'inquiétaient du retour en faveur de ces reliques, de cultes de plus en plus inquiétants qui remettent en avant, qui souhaitent voir ressurgir cet ancien empire. Et moi, je trouve ça vraiment très très bien. Vive l'empire. Excusez mon arrière petit neveu qui ne sait pas de quoi il parle, évidemment. J'aimerais vous confier cette quête qui me semble absolument cruciale. Retrouver cette relique et la briser à jamais. Vous avez sûrement des questions. Ouais, on aura un tarot de l'oubli en échange. Un tarot. Vous voulez vraiment une petite carte, une petite cartounette hein, de peu de valeur. Oui, comme alors... ça, je saurais comment j'étais quand j'étais élu. Mais regardez, c'est cette somme de connaissances qui s'élève derrière moi et elle montre avec ses élytres. Des monceaux et des monceaux et des monceaux de livres qui vous font plus l'effet d'archives indéchiffrables que d'un petit manuel de qui étais-je avant, mais n'est-ce pas vertigineux ? Au début, si tu veux, je suis un petit peu dégoûté. J'aurais quand même préféré avoir une carte de tarot. Après, je me dis, ah ouais, mais ça se trouve, il y a peut-être des livres sur la magie, la transformation. Je vais peut-être avoir des infos sur le magicien qui m'a transformé. Donc du coup, je fais, allez, top là. Papa, oui, soupire, te regarde en coin, mais bon, c'est plutôt toi en général qui t'exprime en premier, donc. Donc je laisse faire. Hein. Désolé. J'ai un peu l'habitude, ça fait partie de notre arrangement. Oui, c'est comme la fois où on a fait une chlinguette en échange d'un vieux chlingon. C'est ça, quoi. Bah, c'est un enfant. Tiens, ta poupée est beaucoup plus, ma poupée est beaucoup plus jolie. Mais, c'est un concombre, oui, mais beaucoup plus joli. D'accord, alors. Bien, et ben suite à ça, en fait, comment les deux cafards nous donnent congé pour un temps, et alors qu'on s'y attend le moins, il y a quelqu'un qui sort d'un mur en fait, et ça nous fait un peu sursauter, et puis il fait oh désolé, j'oublie toujours que oui, ça peut être étonnant, et donc c'est un petit ourson qui est sur qui a un handicap en fait, hein, c'est-à-dire qu'il a ses petites pattes arrière sont atrophiées, donc il est sur une planche à roulettes. Et il nous dit, je crois qu'on vous a pas donné à manger et tout. Moi, je peux vous donner, un petit peu quelque chose. Donc il nous propose un petit peu diverses nourritures. C'est que des nourritures un peu émotionnelles, ce qui est pas mal pour un petit peu récupérer de la cure de soma, quoi. Par exemple. Voilà, il a des fruits qui évoquent les pensées qu'ont eu les gens dans la journée, donc de la sève café, des pommes d'amour ou des châtaignes de maux de ventre. et donc le petit rouge tourbe, puisque c'est son nom, il fait moi aussi j'ai besoin d'aide, cher marche-branche et tout. Et en fait, montre une boîte à bijoux en forme de pomme, et il appuie sur un petit truc, ça s'ouvre. Et en fait, à l'intérieur, si tu veux, il y a une boîte à musique. Mais la boîte à musique, ça se voit qu'elle est cassée. Tu vois, les engrenages sont tout cassés. Elle dit, oh, c'est cette, comment, cette musique, elle me rappelait de tellement bons souvenirs et tout. Je suis super triste depuis que c'est cassé et tout. Et je voudrais que vous la répariez. En échange, vous aurez une carte de tarot de l'oubli. Pas des vieux livres moisis. Dit-il avec un petit regard en coin au cafard. Toi, tu t'y connais en boîte, hein, et d'un premier coup d'œil, tu te rends compte que tu vas pas pouvoir juste dire « Allez, je la prends, je la répare en 2 minutes, quoi. » Il va falloir trouver soit de la magie, soit un artisan super chevronné, soit des super outils, soit super matériel. Enfin, voilà, il y a du boulot, en fait, hein, pour réparer cette boîte à musique. C'est probablement un artefact de l'ancien temps, vu la complexité du mécanisme et tout. Oui, c'est vraiment, on travaille, c'est pour ça qu'on travaille plutôt le bois de nos jours, parce que c'est vrai que c'est vraiment les mêmes principes physiques et mécaniques, mais c'est pas du tout les mêmes matières, et pour trouver ça... Après, moi, ça m'évoque possiblement... Là, il a des grosses larmes, vous allez pouvoir m'aider quand même. Oui, moi, je crois que... Je parle sous contrôle, Feuille, mais on nous a parlé lors d'une précédente quête de la ville de... Ils ont appelé ça très étonnamment la ville de l'industrie parce que les personnes qui y habitent sont. C'est un peu une fourmilière. Et cet endroit, effectivement, était probablement dans l'ancien empire un endroit où on fabriquait des objets. Il doit se trouver là-bas le savoir-faire ou les matières parce que peut-être qu'avec beaucoup d'applications et de bons matériels et des très bons. Et peut-être une loupe ou quelque chose, je pourrais peut-être la réparer, mais il me manque des choses. Je ne sais pas ce que tu en penses, Feuille. Tu te rappelles ce que vous avez dit au sujet de cet endroit ou semble c'est moi qui l'ai rêvé parce que j'ai envie qu'un lieu pareil existe. J'en ai entendu parler, mais je crois que c'était un petit peu dangereux d'y aller. Mais bon, regarde ce petit ourson, il a l'air vraiment tellement triste. Il faut faire quelque chose pour lui, quoi. Bah oui, on ne peut pas te laisser comme ça. Alors concrètement, pour la nuit, donc, on nous offre le couvert en fait, dans des étagères de bibliothèque qui ont été reconverties en lits superposés. Alors bon, le confort, il est tout relatif. On a des vieux grimoires en guise d'oreiller. Tout au nous, les murs, c'est des étagères remplies de livres moisis. Donc il y a une petite odeur de champignons, quoi. Mais bon, voilà, c'est déjà bien de ne pas avoir à payer pour son logis. Et je te propose en fait que le lendemain matin, on décide de se séparer en fait. Chacun s'occuper d'une quête. Et puis on se donne un lieu et une date de rendez-vous pour refaire le point. Et puis peut-être s'échanger nos quêtes si on s'en sort pas, quoi. C'est compris. Luc, est-ce que... Très bien. Est-ce que t'as envie de jouer un peu soupir à la recherche de la réparation de la boîte à musique? Ou est-ce que tu préfères commencer par faire confidence, donc c'est-à-dire c'est le nom du MJ à Marchement, à faire confidence pour la quête de la relique à détruire. Moi, je veux bien être PJ là, être Marchebranche. Soit ma confidence. Eh bien, par quoi tu veux commencer? Je vais peut-être commencer vu qu'on est dans une bibliothèque par essayer de trouver. Des informations, ça fait très Cthulhuvain. Je vais dans la bibliothèque. Parce que du coup, je sais pas vraiment par où commencer. Si, on peut trouver quelque chose, peut-être que avant de laisser partir Feuille, parce que Feuille est une Orla, non? Je sais pas en fait si je dois Kia. C'est plutôt l'empathie. Hein, son... Ouais, en fait, ma qualité, c'est cœur, quoi. Ouais, c'est ça. J'imaginais une sorte d'intuition, mais je peux tout simplement essayer de me renseigner pour savoir si ces gens habitent dans des livres. Peut-être que parmi ces personnes, il y en a une qui s'intéresse de savoir où sont rangés les différents volumes, de manière à savoir si tirer un petit peu le fil de cette piste de la ville de l'industrie. Parce que c'est quand même très mince comme... que ça te semble envisageable. Ouais. Donc, en fait, en fouillant un petit peu dans les vieux tomes, tu trouves pas d'infos sur le truc de l'industrie. Alors, est-ce que c'était dans ta tête et tout? Et du coup, Rouge Tourbe vient te voir et te dit, Ah bah t'as rien trouvé, tout. Écoute, est-ce que ça te va si on part dans la forêt un petit peu au hasard Écoute, et c'est mon puis quotidien. en demandant de l'aide, voilà, aux gens qu'on croise au hasard, quoi. Oui, parfait. Donc Moi, du coup, voilà. j'ai quand même quelques indices. On m'a parlé de cheminées nauséabondes. Donc, peut-être qu'on verra ce phénomène météorologique, enfin, de cheminées Ouais. fumerolles. Super. Tac. Bah du coup, tac, vous êtes parti, vous êtes foré. Et donc, vous avancez comme ça, dans des endroits un peu étonnants et tout. Par exemple, vous êtes dans une forêt, autour d'un cercle de terre qui fond et qui absorbe en fait les arbres et les bâtiments. Mais tu sais, mais vraiment lentement, tu vois. Donc, tu vois tous les arbres, sont un petit peu déracinés, puis lentement glissent vers l'intérieur de ce cercle de terre, quoi. Tout le monde est un peu comme ça, comme penché autour du cercle de terre qui absorbe les choses, espèce de trou noir, mais super lent, tu vois. Ça fait partie des choses qu'on croise comme ça sur le chemin. Et donc, vous vous baladez donc toujours à la recherche de ces cheminées noires et tout. Et il y a une espèce d'ermite, tout poilu, c'est une espèce de boule de poil, tu vois, avec juste un chapeau et puis des jambes, qui vous montre de son doigt crochu une direction à suivre. Et vous allez en fait, vous traversez une nouvelle zone de forêt. Et en fait, t'as l'impression dans cette forêt que l'air est un peu trou. Et en fait, c'est une zone où un sortilège déforme les souvenirs. Et du coup, c'est en train d'altérer, notamment le souvenir que t'as de la relation, avec Feuille et tout, de la raison pourquoi t'es là et tout. Donc tu commences à voir se superposer des histoires alternatives de soupirs, quoi. Des histoires où tu t'es fâché à mort avec moi. Des histoires où en fait, c'est pas Rouge Tourbe qui cherche à réparer la pomme pour lui. En fait, la pomme, elle t'appartient, c'est toi qui veux la réparer, tu vois. Des histoires où la pomme, c'est la relique qu'il faut détruire, et que le cafard t'a demandé de détruire la pomme, tu vois. Et tu croises en fait des silhouettes, de ces passés alternatifs, de ces passés décomposés. Tu croises comme ça des scénettes de ces fake news mentales, en fait, à travers la forêt que vous traversez. Il est possible que Rouge Tourbe passe par les mêmes affres. Et en fait, je te propose qu'on fasse un jet de dés pour voir si t'arrives à garder le cap, en fait. Si tu arrives à te rappeler de la bonne version du passé. Ou si, effectivement, ta mémoire va être altérée par cette forêt ensorcelée. Ça te va comme tentative? C'est-à-dire, est-ce que tu confirmes que toi, tu t'essaies de tracer à travers la forêt, de résister? C'est ton option? Oui, ça va être probablement mon option parce que, effectivement, comme on n'est pas dupe sur les maléfices de ce monde. Ouais, très bien. Alors, pour avoir le droit de lancer le dé, il faut soit que tu justifies par un élément de ta feuille de personnage, ou soit par ton roleplay, en fait. Pour m'expliquer que Soupir est en capacité de résister, quoi. Ce qui se passe depuis qu'on est arrivé dans cette zone turbulente et trouble, c'est la sensation de se faire aussi attirer par une sorte de milieu qui serait l'œil d'un cyclone dans lequel on tomberait et on tournerait pour l'éternité. Il y a une impression de marcher dans de la vase humide, une impression de perdition. Et la parade que j'ai cherchée, puisque j'ai une affinité pour les histoires, la parade que j'ai cherchée pour, c'est pas de repousser ces histoires alternatives, puisque de toute façon je suis pas en capacité de savoir si elles sont alternatives ou pas. Ma vie est derrière moi est très courte et j'en ai une connaissance très floue. Et donc la parade que je trouve, c'est d'en faire des histoires. La parade que je trouve, c'est d'essayer de domestiquer ces récits comme ce qu'ils sont, des sortes d'outils de pensée, des sortes d'outils artistiques, de les considérer comme ma matière première, qui est l'anecdote, l'histoire et le récit. Et ce que je tente de faire, c'est de chanter ces différentes histoires en commençant toujours par c'est la stricte vérité, puisque toutes les histoires de mensonges commencent indifféremment par cette précaution. Et de les chanter à Rouge Tourbe et l'inviter à chanter en reprise, en fait. Donc, j'entame la chanson et c'est une chanson reprise où Rouge Tourbe est invité à répéter la fin de chaque vers. Et puis, plus on avance, plus c'est difficile et plus le rythme s'affole un peu, plus ça devient fou, plus ça tend vers la tarentelle narrative. Ouais, c'est ça. Vous vous essoufflez, il y a un côté hypnotique au bout d'un moment. La pente, tu vois, peut-être l'impression que la pente qui entraîne vers le gouffre est de plus en plus pentue, et qu'il est glissé, tombé. Et on va donc pouvoir faire le lancer de dés. Donc je t'invite à cliquer sur lancer de dés dans le salon là. 3. 3, c'est une réussite, puisque donc du coup on considère que c'est comme une quête de marche-branche solo. Comme ça en MJ tournant. Donc le seuil de réussite est de 4, donc 3 c'est une réussite. Donc ta petite astuce fonctionne et je te propose que du coup on skip sur la quête que Feuille a entreprise de détruire la relique de l'ancien temps suivant la demande de Cornebic. Fondu enchaîné. Yes. Je pense que du coup au petit matin après ma chicorée une des premières choses que je fais c'est quand même de retourner voir Cornebic et puis demander un petit peu plus d'infos sur c'est quoi la relique qu'il faut détruire, pourquoi il faut la détruire et puis où elle se trouve, quoi. Quelque chose d'assez troublant se produit. Cornebic se regarde avec insistance et quelque chose qui est de l'ordre de la bonté. Et puis, après un assez long silence, seulement accompagné par le frottement de ses élytres, à la manière d'un petit violon éraillé, bondit sur tes feuilles. Et naturellement, tu trouverais ça assez répugnant, t'es pas totalement à l'aise avec le contact physique. D'ailleurs, personne d'ordinaire ne tente de s'approcher de toi ou de te toucher de peur probablement que tu t'effondres, hein, puisqu'il y a un doute sur ta tangibilité ou ta solidité. Mais là, tu trouves ce contact plutôt, ce petit crapahutement, pas désagréable, et plutôt, en tout cas, surtout bienveillant. Quelque chose de très, très bienveillant. Et là, tu entends Cornebic parler, mais c'est comme si, en réalité, tu l'entends plus comme une pensée. Comme le souvenir de quelque chose, de cette vie humaine que tu n'aurais pas eue, peut-être une grand-mère qui t'aurait parlé à l'oreille ou qui t'aurait chanté une berceuse. Et c'est exactement ça, c'est exactement une berceuse qui te parvient. Et cette berceuse te dit en substance que c'est le destin qui a voulu que tu arrives dans la ville-bibliothèque. Et c'est le destin qui t'a mise face à elle. Car au fond de toi, tu sais exactement ce qu'est cette relique. Toi seul pourras être en capacité de reconnaître de quoi elle est faite. C'est une relique qui a une apparence parfaitement triviale pour les personnes qui n'ont pas ton intuition. Mais toi, même si tu es dépourvu de tes souvenirs véritables, quelque chose que tu dois encore découvrir de ton histoire personnelle, fait que tu vas entrer en résonance immédiatement avec cette relique. Donc, en résumé, ce que te dit Cornebic, c'est que tu es une sorte de détecteur, sympathique de cette relique de l'Ancien Empire, et que pour te mettre sur la piste, en fait, la chose que tu devrais, qu'elle te conseille de faire, serait de faire de volter jusqu'à trouver dans les courants, dans les vents ascendants, donc ça implique d'attendre l'arrivée du soleil, le moment où le sol est le plus chaud, et d'essayer de te positionner sur le tel un cerf-volant, sur le courant qui te semble le plus porteur, quelque chose qui, si la prophétie se déroule comme prévu, t'emmènera volter des milles et des milles plus jusqu'à l'endroit où la relique repose entre mort et vie. Bah écoute, avec un certain enthousiasme, je dis pas de soucis, je vais faire ça. Et donc du coup, je monte un peu sur le toit de la bibliothèque. Et puis, je me mets à tourner, jusqu'à ce que, en fait, mon corps de feuille, tu vois, se disloque, devienne une sorte de vortex de feuille, quoi. Et puis, effectivement, les vents m'emportent, et puis je suis emporté comme ça, au hasard, je survole l'immense forêt, l'infinie forêt, et puis au bout d'un moment, je suppose que ça va me reposer quelque part, quoi. Et quelque chose d'assez... il se passe pas mal de temps au cours de cette expérience que tu n'aurais probablement jamais tenté seul ou sans être motivé, parce que tu n'avais pas assez probablement confiance dans ta cohésion. Et là, c'est déjà un super plaisir de savoir que tu peux le faire. Mais quelque chose d'assez bizarre s'est passé, c'est qu'au cours de ce vol, du coin de ton œil, tu as eu comme une sorte d'after effect, ou tu as eu l'impression de te voir... du coin de l'œil, en fait, dans ton champ de vision périphérique, d'apercevoir une silhouette qui te ressemblerait et qui, de temps à autre, même, tu as eu l'impression très désagréable que la tête de cet alter ego tournait vers toi et te souriait avec une malice assez diabolique, que c'était... mais ça disparaissait dès que tu essayais de regarder avec plus d'attention. Et là, tu te poses, effectivement, le vent te pose doucement en haut d'une falaise de basalte qui domine une sorte de champ de tuf, de cheminée de tuf comme ça qui s'élève. Certaines crachent mollement des petites fumerolles blanches à l'odeur prononcée de soufre. Et si le vent est tombé, c'est que le soir arrive, donc tu arrives dans ce paysage gris et relativement cauchemardesque à la tombée de la nuit. Ça me fait assez sourire parce que ma première intuition, si tu veux, c'est que je suis arrivé à l'industrie que cherche Soupir, tu vois. Et que les fameuses cheminées là dont on parlait, c'est celle-là, en fait. Et donc, je me dis, ça se trouve, je vais très certainement retrouver Soupir là-bas, quoi. Moi, j'aimerais bien voir, effectivement, si tu pouvais, si ça te va, ou si c'est pas trop de l'utilisation intempestive du dé, mais j'aurais bien aimé savoir si tu souhaitais devenir le diapason de cette relique, si tu souhaitais essayer de te concentrer différemment pour voir si effectivement tu pouvais entrer en résonance avec quelque chose, ou si tu te sens... détecter la relique de façon plus précise, quoi, c'est ça. Ou si tu te sens juste perdu et tu te demandes pourquoi tu es là, ou si tu as l'impression que... Voilà, si tu te sens découragé, t'es un enfant quand même, ou si tu te dis « Ah, mais oui, c'est ici que je dois être », ou alors c'est une pure coïncidence parce que le soleil, le vent est tombé, je suis juste là. Ouais, non, mais très bien, on va lancer le dé. Alors attends, je vais juste te dire qu'est-ce que j'utilise comme élément de ma feuille de perso. Enfin, ça se trouve, tu me dis que ça se trouve pour toi, il n'y a pas la peine et la condition se rend. Mais bon, de toute façon... Ça peut être intéressant même pour le... Ouais, moi j'ai en fait, dans ma vocation voyage, j'ai une chose qui est... C'est être au bon endroit au bon moment, en fait. Donc, c'est vrai que si tu veux, moi j'ai drôlement l'habitude de... Enfin, ma devise un peu, c'est pour trouver, il faut se perdre, en fait. C'est-à-dire, quand je cherche quelque chose, il suffit que j'arrête de chercher, tu vois, et que juste je me laisse vagabonder, et puis l'égrégore fait que je trouverai ce que je cherche, quoi. Donc, c'est mon diapasonnage, je le fais comme ça, entre guillemets. C'est pas une méditation, tu vois, c'est... Je mets une feuille devant l'autre, enfin un pied devant l'autre, quoi, et puis je me commence à marcher totalement au hasard, quoi. Et je sais que je vais arriver à bon port, quoi. Bon, si tu es d'accord, je vais lancer le dé. Allez. C'est un échec définitif. Alors bon, j'aurais pu payer une moisissure pour avoir une réussite automatique. J'avoue que j'y ai pas pensé, je me suis dit non. En fait, du coup... je parle sous ton contrôle, mais certainement que je sens que j'ai perdu le lien empathique avec la relique et que en fait c'est plus ma guerre, quoi. Je vais pas pouvoir m'en occuper et du coup je vais attendre que Soupir arrive à cet endroit parce que je pense que c'est aussi l'industrie, peut-être dans les sous-sols de cet endroit-là il y a ce que Soupir recherche et en fait on va faire un passage de relais, c'était d'accord. Ouais. On va s'échanger les quêtes, quoi. Parce que du coup, moi c'est fichu, je vais pas pouvoir trouver la relique. Donc j'attends patiemment que Soupir me rejoigne. Tu te roules en tas de feuilles. C'est ça. Donc, si t'es d'accord, je pense qu'après quelques vicissitudes, tu arrives effectivement à l'endroit où je t'attends. Et donc là, je te propose qu'on échange nos quêtes, parce que j'ai perdu le lien empathique avec la relique, je ne vais pas pouvoir m'en occuper. Et donc, je vais m'occuper de la pomme, de réparer la pomme de Rouge Tourbe. Mais du coup, peut-être tu es ma confidence sur la quête de la relique, du coup, même si c'est joué ça, par mon personnage. C'est ça, exactement. Donc, voilà. Je reprends la quête de la relique en main, et toi, tu seras confidence sur la quête de la boîte à musique, quoi. Mais du coup, ce ne sont plus des quêtes. On fait un croisement ou bien on reste ensemble? Qu'est-ce qui te semblerait le plus intéressant? En théorie, si on suit les règles du MJ tournant, on doit se séparer, en fait. On est physiquement séparés. Ouais. Allons-y. Ok. Est-ce que ça te va donc de réincarner Soupir, et puis on va faire donc la fameuse quête de la finir la quête de la relique? Ça marche. Donc en fait, concrètement, effectivement, ces espèces de collines de basalte, il y a des espèces de galeries qui semblent. En fait, la colline semble creuse, quoi. Et donc, possiblement, la fameuse El Famoso ville de l'industrie pourrait être dans ces galeries, quoi. Ou une relique infernale aurait pu être conservée. Moi, je dirais que si tu veux, peut-être là où il y a du mal qui est fait, en fait, oui. Elle doit avoir peut-être des effets sur son environnement, quoi. Mais en tout cas, c'était pour te refaire le. c'était une question théorique que je posais à moi-même. Ouais. Si ce n'est, ouais. Fin de la phrase, si ce n'est quelque part de protéger et d'éloigner, et de personne n'aurait envie de s'aventurer dans cet endroit-là. Et si j'ai bien compris, les tenants de l'Empire ou les pseudo-héritiers de cet empire effondré sont plutôt, pensent innocemment, si j'ai bien compris, que c'était un bon empire, qu'il y avait une sorte d'âge d'or, alors que des vieilles personnes sages comme Cornubic ont l'air d'être les seules à savoir que non, c'était pas un âge d'or, mais plutôt un âge de sang. Et du coup, effectivement, dans un endroit aussi désolé et aussi maléfique, peut-être que ceux et celles qui se prétendent les héritiers de cet empire n'auraient jamais l'idée de s'aventurer. Peut-être que ces personnes chercheraient plutôt dans des endroits mirifiques où on pourrait avoir une sorte de mémoire de ville étincelante, respirant le progrès et la propreté. Donc, sûrement, là, il y a quelque chose en dessous d'enterré et de néfaste. Donc, je suis seule désormais, puisque le gros ourson suit Feuille. Ouais, c'est ça. Donc, Feuille et le gros ourson, ils se sont enfoncés dans les galeries pour dans l'espoir de que les autochtones de l'industrie réparent la boîte à musique, quoi. Et moi, je m'aventure dans cette messa angoissante. Peut-être je me fais une sorte de petit masque, un petit caisson qui me permet de filtrer un petit peu le soufre. Sorte de petit caisson sur lequel je des tissus imbibés d'eau. Et puis je m'aventure dans cette plaine. Ouais, et c'est là que tu vois justement quelque chose qui cloche avec l'environnement. C'est que tu as devant toi, en fait, traversant la forêt, une espèce de traînée d'hybridation. C'est-à-dire qu'il y a des globes oculaires, tu vois, dans les branches des arbres. Il y a des têtes de renards qui sortent des racines, des espèces de buissons, de chardons un peu métalliques et tout. Donc ça fait comme ça une grande traînée qui s'enfonce dans la forêt, qui est au pied de la Mesa, à la lisière de la plaine, quoi. Et est-ce que tu penses que c'est la bonne direction pour trouver la relique? Est-ce que je vois une bouche? Tu as parlé d'yeux. Ah oui, d'accord. En fait, effectivement, en plissant les yeux, tu vois que au au fond de cette avancée hybridée dans la forêt, il y a une espèce de gros arbre qui lui est doté d'une bouche. Je me dirige vers ce gros arbre et... Et alors le sol se met à trembler en fait sur ton chemin et il y a une tête ronde et métallique qui commence à sortir en fait de l'humus petit à petit il y a un géant métallique et rouillé qui sort de l'humus te barrant le chemin. Alors je suis à quatre pattes parce que le sol a tremblé donc j'ai perdu ma petite béquille et Je tâte pour la retrouver et je me rehisse très lentement sur. Et je vois, je considère cette énorme masse et prise au dépourvu, ne sachant quoi dire, je donne une formule de salutation bête et méchante. Et je m'adresse au géant et je lui dis bonjour, habitant de ces lieux désolés, je ne pensais pas déranger. Vous dérangez dans votre habitation, veuillez, je ne fais que passer et je dépose même un présent devant ces énormes pieds difformes qui est une sorte de petite bille qui est la version durcie, en fait comme une calebasse, la version durcie d'un fruit mais qui devient très dur, qui est comme ça un petit peu scintillant, qui est très beau et très prisé dans une contrée que j'ai déjà visitée. Le robot en fait est à la fois menaçant parce qu'en fait c'est deux comment il a des canons attachés au bras quoi, enfin ici au niveau de sa paume en fait il a des canons, tu vois, il pourrait te tirer dessus et au début il est vraiment menaçant avant que tu lui parles et tout. Et comme tu as montré toutes ces attentions, mais en même temps, tu vois, il a aussi des formes rondes, des petits yeux et tout, des petits yeux ronds, qui donnent un petit aspect quand même sympa. Et du coup, il t'explique que c'est un gardien de l'ancien temps, et que si tu es venu pour t'emparer de la relique, il va t'en empêcher, parce qu'elle a provoqué le malheur en fait de ses anciens maîtres, et il est là pour empêcher que quelqu'un d'autre s'en empare, tu vois, pour que ça provoque d'autres malheurs, quoi. Il est là pour préserver en fait les descendants, enfin les générations futures, quoi. Je lui explique ma quête et je lui explique que en revanche la personne qui m'a donné la quête ne m'a pas, d'ailleurs, ne a donné la quête à ma camarade, nous a pas donné d'informations sur la manière de détruire ces reliques, mais nous a confié de bonne foi cette quête en pensant qu'on avait les moyens de trouver une manière de détruire cette relique. Du temps est passé, nous sommes un peuple neuf dorénavant avec des talents particuliers et différents de ceux des personnes qui vivaient durant l'Empire. Et peut-être avons-nous aujourd'hui la capacité de détruire véritablement cette relique qui à l'époque était impossible à détruire ou à démanteler. Peut-être que si je pouvais la voir, et mon intention étant celle de la détruire, peut-être que je pourrais trouver une manière de que la menace se cesse à jamais. Ouais. Bon, typiquement, j'aurais pu te demander un jet de dés, mais en fait, je vais aller un peu plus vite. En fait, il est le robot. Tu sens qu'il est assez empathique et au fur et à mesure, tu arrives à le convaincre vraiment de ta bonne foi. Et il te dit en fait, pour tout vous dire, j'avais jamais pensé que ça aurait été utile de détruire la relique. C'est pas ce que mes maîtres m'ont ordonné. Mais en fait, vous m'avez convaincu que je dois désobéir à mes maîtres et vous laisser détruire la relique plutôt que de juste la protéger pour la fin des temps. Et comme ça, moi, je pourrais vivre aussi une autre vie, ou une autre vie que celle de gardien. J'ai envie de découvrir ce nouveau, peut-être marcher à vos côtés. Voilà, être autre chose qu'un gardien et qu'une brute. J'ai envie de jouer avec des bicolorés. Et donc, en fait, grosso modo, il te dit sur quelle rune il faudra appuyer pour détruire la relique. Et il te conduit, en fait, directement à El Famoso Relique. Et est-ce qu'on fait une pause pour passer de l'autre côté, du coup, avant le cliffhanger, ou tu veux... avant la fin ou... Je pense que ça va être... Non, si ça te permet... Si tu permets, je pense que ça va être... Je trouve plus simple qu'on achève. On achève celle-là. Et on fera un dernier segment pour achever l'autre quête. En fait, concrètement, donc il t'amène dans une ruine de l'ancien temps, bien cachée et tout. Il te montre, il déverrouille lui-même les passages secrets pour que tu y ailles et tout. Et donc vous arrivez dans un creux souterrain envahi par des racines blanches. Et en fait, suspendu entre deux piliers, il y a une espèce d'orbe métallique, cuivrée, dorée, tu vois, couverte effectivement de glyphes de l'ancien temps. Et en fait, sauf que quand vous arrivez, vous trouvez l'arrière-arrière-arrière-petit-neveu Cafard qui est sur la... En fait, il est sur l'orbe et lui, il est en train d'essayer de manipuler les glyphes pour que la relique soit rejetée. En fait, parce que le tunnel, c'est une sorte de cheminée, quoi. Donc, il y a possibilité que la relique soit libérée à l'extérieur, tu vois. Et donc, voilà, t'arrives pile au moment où le Cafard s'apprête, en fait, à libérer la relique. En mode, gnégnégné, ma grand-mère, elle dit n'importe quoi, faut pas détruire la relique. Ça va, si je l'active, ça va restaurer toutes les merveilles de l'ancien monde. Tout, ce sera trop bien, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, je tenterais bien d'aller... mon personnage, d'ailleurs, pour le précédent jet de dés, en fait, mon personnage, c'était on lui fait confiance, on lui donne le bon Dieu sans confession, et tout ça. Donc, ça marchait bien avec le robot. Mais là, je tenterais bien d'essayer... De le bonimenter, quoi, de lui raconter en mode le fantôme des Noëls passés, tu vois, d'essayer de lui montrer ce qui se passerait de manière très cinématique si vraiment les choses se passaient comme il le souhaite, en mode prophétesse. Je peux même, tu vois, genre y aller à fond, révulser mes pupilles et d'une voix un peu tarée, expliquer, enfin, prétendre être possédée par ouais, ça c'est un peu ouais, c'est du boniment, quoi, du ouais. Fait que t'es saltimbanque et tout, ouais. Ouais, et du coup je me fais soi-disant posséder par l'ancienne impératrice en disant tu vas restaurer mon pouvoir et grâce à toi je vais détruire, enfin, et du coup je ouais, pars, okay, dans une sorte, ouais, de pour délire. Ça, en fait, c'est daubé et tout, ouais. Ouais. Ok, ouais. Ah non, en fait, l'Empire, c'est pas terrible, quoi. Ça n'a pas l'air très bien. Ok, donc, bon, l'enjeu du GD, c'est bien sûr l'empêcher de cliquer sur la glyphe, quoi. C'est ça. Je te rappelle, avant de lancer le dé, que tu peux décider de prendre une moisissure, c'est-à-dire que tu vas perdre momentanément ton statut de marche-branche. Pour avoir une réussite automatique. Ah bah oui, c'est la fin du monde tel qu'on le connaît, donc je pense que je peux prendre une moisissure. Tu payes la moisissure, ouais. Bah en fait, moi ce que je te propose, du coup, c'est que du coup, le cafard comprend que oui, il faut pas le faire et tout, et du coup, il laisse le robot lui expliquer comment, au contraire, désactiver définitivement la relique, tu vois. Mais toi, en fait, tu te retrouves vraiment possédé par l'impératrice. C'est ça, ta moisissure. Et si on avait le temps de jouer, je pense que là, on ne va pas le faire, mais il faudrait que moi, je te vienne en aide et tout, pour... Enfin, ou pas, ce peut-être sera qu'on dans aura le temps, mais... Ouais, la saison 2. Mais, c'est ça, dans la saison 2, il faudra que je te dépossède, quoi. En attendant, en plus, on peut faire une saison avec... J'aurai des disciples et... J'aurais réuni une armée. En fait, ça me plaît tellement d'être moisi que je vais rester la campagne moisi. L'arc ennemi des autres. Très bien, très bien. Eh bien, de mon côté, donc je m'aventure dans les galeries à la recherche d'artisans ou d'objets, enfin de solutions pour réparer toute petite boîte à musique toute cassée. Du gros ourson, quoi. Du coup, vous avancez dans les galeries. Les petites roulettes du gros ourson ne sont pas forcément faites pour un sol aussi inégal. Il y a des moments un petit peu épiques. Je prends une pause, en fait. Je fais des câlins. Je dis, ça va aller. J'ai vraiment beaucoup d'empathie pour lui. Je fantasme aussi, je pense, énormément, en fait, ce qu'il pourrait y avoir, le souvenir de la boîte à musique. J'imagine que c'est vraiment quelque chose... Un bon souvenir qui montre aussi que le gourson c'était une bonne personne, tu vois, et qui, enfin, je sais pas, une petite histoire d'amour enfantine, enfin, ou un souvenir de relation, ou un cadeau qu'il a offert. Vraiment un truc, enfin, j'imagine que ça contient un souvenir méga choupi, ou peut-être le dernier souvenir de son papy qui est mort, enfin voilà, un truc vraiment précieux, quoi. J'imagine que c'est super important, je lui rappelle que c'est super important. Voilà, on fait des pauses, et puis, en fait, j'essaie de devenir un lit de feuilles, tu vois, pour le faire descendre les escaliers, dire comme si c'était une luge, quoi. Une luge de feuilles. Parfait. Et de fil en aiguille, vous êtes donc guidé par des... c'est des toutes petites personnes, une sorte de personnes lilliputiennes qui vivent dans ces galeries. Et donc, vous vous sentez même tous les deux relativement comme des sortes de géants. Des personnes assez serviables, et effectivement c'était bien comme une fourmilière, comme dans les souvenirs de récits de soupirs. Et ces personnes qui sont quand même un peu, elles sont serviables, mais un petit peu agacées que vous veniez vous mettre en travers de leur besogne, quoi. Et en fait elles sont occupées, vous finissez par le comprendre au fur et à mesure que vous approchez du cœur de l'activité, à reconstruire les galeries, les revêtir d'une sorte de revêtement qui ressemble à du cuivre, ou entre le cuivre et le plomb liquide, quelque chose d'un peu, et le mercure, quelque chose d'un peu qui glisse comme ça et qui revêt les galeries. Et au fur et à mesure que vous avancez, il fait de plus en plus, c'est de plus en plus lumineux et occupé et vivant, jusqu'à ce que vous arriviez ce qu'on vous a nommé la fabrique, qui est l'endroit où vous seriez susceptible de trouver ce que vous cherchez. Et en fait, au sein de cette fabrique, vous avez plus vous avancez, en fait, plus et à un moment vous avancez et à un moment tu vois comme une sorte de un endroit avec plein de rangements, une sorte d'entrepôt avec tout plein de choses et des établis, etc. Et mon cœur se réjouit à l'idée d'avoir atteint votre but, et tu te retournes vers Rouge Tourbe avec tes yeux pétillants, et tu dis voilà, nous sommes arrivés. Et en fait, tu te reprends parce que, à ta grande surprise, le gros ourson n'est pas là. Il semble, il a disparu, il n'est pas là. Ouais, ça me fait un peu. Et la pomme, j'ai pas trop réalisé si c'était moi qui la portais ou si c'était Rouge Tourbe qui l'avait avec lui. C'était, en fait, c'est, bah, ça ajoute un petit peu à ton inquiétude, parce que c'est toi qui la portais parce qu'il était trop faible et il avait besoin de ses deux bras avant pour se hisser dans les galeries. Et puis, juste avant d'arriver là au cœur, comme toi, tu t'émerveillais des choses, tu as vraiment le souvenir à un moment d'avoir senti quelque chose de... T'étais un peu émerveillé, tu regardais, t'as eu la sensation que quelqu'un fouillait dans ton sac, mais bon, t'as pas relevé parce que tu t'étais dit, oh, ça doit être... Il y a tellement de monde, enfin là, les Lilliputiens, ils arrêtaient pas de toute façon de te frôler les mollets, les genoux, donc bon, c'est peut-être la tête d'une Lilliputienne qui a frôlé ta bourse, mais... Moi, je suis peut-être un peu naïve, mais en fait, en gros, ça me brise le cœur. Parce que moi, l'idée que je me fais, voilà, du coup, je vois que la pomme a disparu de ma besace, et je me dis, en fait, ce qui me brise le cœur, je me dis, Rouge Tour me fait pas confiance. Il a pris la pomme pour gérer tout seul, sans moi. Et bon, d'un côté, j'ai entendu parler de malédictions qui font que, en fait, quand tu confies une quête à un marche-branche, tu peux pas la faire toi-même, c'est le marche-branche qui doit la faire. Mais en fait, bon, cet aspect un petit peu technico-magique, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est plutôt sur l'aspect émotionnel, Rouge Tour me fait pas confiance. Et du coup, là, bah, j'ai envie de lancer le dé pour le retrouver, quoi. Avec voyage et cœur, quoi. Tu n'en auras pas besoin. Si tu acceptes la solution, je te donne. Ouais, je t'écoute. Parce que tu es justement en train de vraiment, ton petit cœur est brisé. Je perds des feuilles. Tu sais, j'ai des feuilles mortes. C'est ça, des feuilles mortes qui tombent. Et puis, soudain, alors que tu es tout à ton introspection, le silence se fait autour de toi. Donc, tous ces lilliputiennes et les lilliputiens affairés qui tournaient dans tous les sens, tout le monde se tait. Et tu as une sorte de, de la lumière est voilée par une sorte de masse sombre et quelque chose se soulève derrière toi de très grand, de massif. Et tu entends une voix, une grosse voix profonde dire « Mais ce n'est pas un animal !» Et tu te retournes lentement et tu vois, à ta grande surprise, un énorme gros ours. Et à ses côtés, le gros ourson, la pomme à la main, qui dit « Oui, désolé, c'est ce que j'ai pu trouver. À la base, ça devait être un goupil, mais regarde, c'est presque pareil. Bon, c'est des feuilles, regarde, c'est un tas de feuilles. Ça pourra faire l'affaire. » Et des Lilliputiennes et Lilliputiennes viennent pour se saisir de toi. Mais évidemment, tu es une sorte de tas de feuilles volants. Donc, c'est là où je t'inviterai peut-être à lancer un dé pour savoir si t'es tellement désespéré que tu te laisses... Enfin, sur comment tu réagis. Ou alors, peut-être toi, tu peux me le dire, d'ailleurs, même sans tirer de dé. Qu'est-ce qui se passe quand on essaie de se saisir de toi? Quelle émotion te submerge ou pas? C'est pas que j'empêche pas... Ils arrivent à se saisir de moi, mais moi je parle en fait. Du coup, plutôt que de me débattre, je parle d'abord, tu vois. C'est-à-dire, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez faire là? Pourquoi vous m'avez tendu un piège? Qu'est-ce qui se passe, quoi? J'ai le droit de connaître la vérité, quoi. Et le gros ourson, qui a de toute évidence changé complètement d'attitude, tu t'aperçois en fait, en gros, ce n'est pas un enfant. C'est un gros ours qui a été victime d'une malédiction terrible qui a besoin est tombé en fait sous la coupe de en fait cette espèce de gros ours qui est le chef des ateliers ouais. lui a demandé de lui amener un sacrifice d'un animal qui ne soit pas un gros ours en échange pour un artefact et une machine diabolique sur laquelle il travaille, et qu'en échange de ce sacrifice, il pourrait lui rendre son apparence normale grâce à... Ah oui, d'accord. À cette musique. Enfin, effectivement, c'est lié à la musique et à la boîte à musique. Ok. Donc, il a tendu un piège à la marche-branche, si ce n'est que ça fonctionnera probablement pas. Donc là, il y a un doute sur le fait que tu n'es pas un animal. Il y a un doute sur le fait de est-ce que c'est véritablement un sacrifice. Je ne sais pas, ouais. Alors, moi, je propose qu'on finisse en cliffhanger. C'est-à-dire que je pense pas qu'on... En fait, on n'a pas le temps de gérer la situation. Et juste, moi, je regarde le gros ourson, tu vois, je pensais qu'il était gentil... Et en fait, j'ai eu une première brisure, si tu veux, au début de l'aventure, quand je me suis rendu compte que j'étais nostalgique de mon époque humaine. Bah, du coup, ce qui fait aussi que je peux comprendre le gros ourson, tu vois, parce que finalement, lui aussi, il a été transformé. Peut-être même par le magicien qui m'a transformé, c'est le même, c'est peut-être cet ours, j'en sais rien et tout. Mais en fait, j'ai une deuxième brisure où je me rends compte que, les gens sont pas sympas en fait, c'est que je donne ma confiance beaucoup trop facilement, quoi. T'imagines, dans la saison 2 en plus, ta super meilleure copine est devenue une impératrice maléfique. Ouais, voilà, et c'est juste Anna, you're breaking my heart. Voilà, et ça finit comme ça, on sait pas si je vais m'en sortir ou quoi, ça finit juste sur cette émotion hyper forte de ce petit ourson tout mignon que moi je voulais que ça devienne un copain de jeu, tu vois. Je voulais lui réparer son jouet, qu'il soit heureux. Et puis, en fait, lui, il me livre en pâture. Hein. Il me livre en pâture, quoi. Et ça fait hyper mal, quoi. Fou, si t'es d'accord, on arrête là-dessus, quoi. Ça marche, ça fait deux, deux fins. Super borderline. C'est magnifique. Eh ben oui, bah, marche-branche, c'est le clair-obscur. Eh bien, je te remercie beaucoup, Luvan. Puis je salue notre auditoire. Bonjour à tout le monde. Acheter marche-branche.